Lancement du livre Mr. Playoff, c'est la biographie de Daniel Payet, écrit par Martin Leclerc, un très très bon livre évidemment, qui est disponible aux éditions Tubize. Question d'avoir un peu, comment il a trouvé ça, écrire sa biographie, composer sa biographie, et parler un peu du livre. On parle avec Daniel Payet. Bon matin Daniel. Bonjour Danny. Daniel, si on parlait un peu, comment tu as trouvé ça, écrire une biographie? Ben écoute, au début, ça me faisait peur. C'était l'idée de Martin quand il m'a approché avec ça. J'étais pas certain parce que j'ai toujours été une personne assez privée dans mes relations personnelles, tout avec la famille, surtout les enfants à la maison. Donc, ça me faisait peur au début, mais il m'a convaincu qu'on n'avait pas beaucoup de littérature québécoise, d'anciens joueurs de hockey au Québec, en français surtout. C'est comme ça qu'il m'a convaincu en me disant que ça pourrait être une bonne idée d'aider les gens, les jeunes athlètes qui espèrent faire carrière au hockey, ou aussi à leurs parents, à savoir qu'est-ce que les enfants doivent passer au travers, peut-être mieux les préparer à travers tout ça. OK. Vraiment, ça, j'écoutais Martin, puis ce qu'il racontait au 91.9, il disait que c'était vraiment le point tournant, c'était que Martin disait que les jeunes ne lisaient pas beaucoup, puis tu pourrais te servir de modèle également. Puis si ton livre pourrait te faire, pourrait faire lire un jeune, ben ça va déjà être plus. C'est vraiment ça qui t'a convaincu? Ben c'est un des points importants qui m'a convaincu. Comme je disais, là, ça me faisait peur de dévoiler plusieurs secrets que les gens connaissaient pas à mon sujet. Non, écoute, j'en suis très, très fier. Martin a été incroyable aussi d'être capable d'aller vraiment chercher mes émotions. Parce que ce qui fait peur aussi, c'est d'être mal peinturé à travers tout ça. Mais Martin a fait de l'excellent travail. Puis il était bon aussi quand on faisait les entrevues à gratter, puis à aller chercher avec de bonnes questions, me remémorer des beaux souvenirs, des fois des moins beaux, des choses qui s'étaient passées dans mon temps, des fois 15, 20, 25 ans plus tôt. Donc ça, là, c'était pas toujours facile, mais Martin était excellent pour aller tout chercher ça. OK. Daniel, si on parlait un peu de ta carrière, parce que c'est un peu ça ta biographie, tu étais un petit joueur, ça a pas toujours été facile. Évidemment, dans ce temps-là, les joueurs, les petits joueurs, il faut boucher deux puis trois fois plus. Est-ce que tu es vraiment fier de ta carrière quand tu regardes tout ça, là? Parce que tu as eu des obstacles énormes, là. Deux à trois fois soumis au ballottage, des équipes qui. C'est vraiment été à Buffalo que le déclic s'est fait. Quand tu regardes tout ça, il y a de quoi être fier? Ben certain. Écoute, j'aurais pas écrit d'autobiographie si j'avais pas été fier de ce que j'ai pu accomplir. Il y a eu beaucoup de chance à travers tout ça également parce que, vous savez, on doit tomber aux bons endroits, au bon moment. On doit tomber avec des entraîneurs qui nous font confiance, qui nous laissent jouer. On doit se retrouver avec des coéquipiers avec qui on a une belle chimie. Fait qu'il y a toutes sortes de points comme ça. On doit rester loin des blessures. Donc, tu sais, de ce côté-là, j'ai été chanceux. Mais en même temps, oui, je suis fier d'avoir été capable de combattre le fait d'être un plus petit joueur à travers un monde de monstres de la Ligue nationale. Fait que ça, tu sais, puis d'être capable d'avoir survécu pendant aussi longtemps. Pour moi, là, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. C'est une chose de s'y rendre, mais d'avoir pu rester aussi longtemps, ça, c'est quelque chose dont je suis très, très fier. Daniel, est-ce que quand tu as été soumis au ballottage deux à trois fois, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes sur ta carrière? Il y a eu des doutes à plusieurs reprises. On se remet toujours en question. Ouais. On se demande si ça va passer, qu'est-ce qui arrive. J'ai eu, écoute, un moment donné, là, j'étais prêt à faire le saut, à aller jouer en Europe. Parce que les choses n'avançaient pas. C'est mon agent Pat Brisson qui m'a convaincu de rester, que finalement ça débloquerait un jour, de pas partir trop vite. Mais c'est sûr que oui, il y a eu plusieurs doutes. Puis quand on est soumis au ballottage, puis il n'y a aucune équipe qui veut de tes services, ça fait mal à l'ego personnel quand on doit se regarder dans le miroir puis dire écoute, là, il n'y a personne qui veut de moi. Ça, c'était difficile à accepter. Mais à chaque occasion, tu te dis, écoute, on se reprend en main, on repart de plus belle, puis à un moment donné, là, les choses vont tomber en place. Le déclic, c'est vraiment fait à Buffalo, hein? Ben, si on lit dans le livre, le déclic, c'est fait dans un match, c'est le premier chapitre du livre, et c'est dans un match très, très important de ma carrière qui se passe à Phoenix à la fin décembre, entre Noël et le jour de l'an. Puis en 54 secondes de jeu pendant les deux premières périodes, j'ai marqué deux buts. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la chance de jouer par la suite, puis de jouer plus régulièrement, d'avoir une unité avec laquelle travailler, une ligne plus offensive. C'est un peu là que ça a parti. Ça a été difficile l'année suivante un petit peu, puis c'est là que j'ai été changé à Buffalo. Mais quand j'ai été changé au Sabre, Lindy Ruff, à notre première conversation, m'a dit « Daniel, on te fait confiance, on veut que tu joues au centre avec nous, tu peux faire des erreurs, on veut voir ce que tu peux faire, on croit en toi, donc n'aie pas peur de prendre des chances, de faire des jeux, c'est pour ça qu'on est allé te chercher. » Fait que ça m'a mis en confiance. C'est à partir de ce moment-là là, que j'ai réalisé que je pouvais devenir le joueur que j'espérais, le joueur que je pensais que je pouvais être. La confiance de mon entraîneur Lindy Ruff à Buffalo m'a beaucoup aidé pour accomplir puis continuer à avancer là, dans mon cheminement de joueur. Tu dirais-tu, Daniel, que c'est la confiance, parce que la ligne est mince d'un joueur de la Ligue nationale, pour un joueur de la Ligue nationale, entre jouer régulièrement dans la Ligue nationale et être un joueur de la Ligue américaine. Moi, je dis souvent que Monday... C'est pas gros. Que la confiance que l'entraîneur te donne, c'est vraiment ça qui fait en sorte que ça fait une grosse différence entre un joueur de la Ligue américaine et un joueur de la Ligue nationale? Il n'y a vraiment pas une grosse différence entre un joueur de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. C'est très, très proche, comme tu viens de mentionner. La confiance, c'est sûr que ça a beaucoup à faire. L'endroit où on te laisse jouer, dépendamment du rôle qu'on te donne, si on te met un rôle qui met tes forces en valeur, ça peut aider énormément. Si on met un joueur qui est plus un plombier, puis on le met sur le premier trio, puis on lui demande de marquer des buts, fabriquer des jeux, ben ça fonctionnera pas. Donc ça aussi, c'est quand on a la chance d'être mis dans des situations favorables, ça aide beaucoup. Je me rappelle, des fois, je me faisais rappeler à Phoenix, puis on me mettait sur le quatrième trio à jouer avec Louis DeBrus puis Jim Cummins, qui étaient deux bagarreurs. Écoute, il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire quand on jouait pendant 10-12 secondes, puis les deux se mettaient à se battre. Donc il y a beaucoup de ça aussi, je crois, pour aider un joueur là, à monter, à gravir les échelons. OK. Daniel, j'ai demandé à des auditeurs de si tu avais des questions, puis beaucoup, beaucoup de monde me disent encore une fois, puis ça, je pense que tu l'as répondu, je t'ai entendu à plusieurs reprises donner des entrevues depuis mardi, mais pour les gens qui ne l'ont pas entendu, beaucoup de monde reviennent sur c'était en 2007 que le Canadien, les Flyers étaient dans la course pour Daniel Brière à l'époque. C'est 2007, je pense, oui. Oui. OK. Beaucoup de monde disent. 2007, exactement. Ouais. Daniel Brière était à son prime. Il a choisi Philadelphie au lieu de Montréal. Puis il est venu en fin de carrière comme une équipe de bouche-trou. Il y a du monde qui me dit ça. Puis tu réponds quoi à ça? Ben, écoute. Oui, c'est vrai qu'en 2007, j'étais probablement là au prime de ma carrière. Ouais. Quand j'évaluais tout ça, puis j'évaluais les deux équipes, je considérais, parce que quand on signe un gros contrat comme ça, il faut livrer la marchandise. Ouais. Puis moi, je savais que c'était très, très important, puis je voulais remettre cette monnaie-là à mes employeurs. Donc, je regardais à quel endroit ce serait, disons, le plus favorable pour moi de faire ça. Quand je regardais l'alignement des deux équipes, sans aucun doute, l'équipe des Flyers de Philadelphie me protégeait, pouvait m'aider beaucoup plus que celle du Canadien en ce moment-là, en 2007, avec tous les bons jeunes joueurs qui montaient dans l'organisation des Flyers. On voyait que c'était une équipe qui était pour être bonne pour au moins les 5-6 prochaines années. Ça a été une décision hockey. C'est la raison pourquoi j'ai signé avec les Flyers en 2007. Malheureusement, j'étais plus à ce niveau-là quand j'ai signé avec le Canadien, puis ça, j'en suis complètement en accord avec les écouteurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour moi, c'était la chance, écoute, comme petit Québécois, de vivre un rêve, d'endosser l'uniforme du Canadien. Pour moi, c'était important. J'ai grandi en prenant pour le Canadien. Donc, avoir cette chance-là, encore une fois, je me disais que je pouvais pas la laisser passer. Puis c'est encore un honneur aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai revêtu cet uniforme-là. quand je repense à mes beaux moments à Montréal, la série contre Boston en deuxième ronde, quand on les a battus dans un match numéro 7 à Boston, pour moi, c'est magique pour ma carrière. Puis d'avoir pu aider à cette victoire-là dans un gros match 7, là, c'est quelque chose qui va toujours rester avec moi. Parce que j'avais vu, en grandissant, plusieurs matchs Canadiens-Bruins, plusieurs séries éliminatoires Canadiens-Bruins, puis je rêvais d'y participer un jour. Donc, oui, je comprends ce que les écouteurs peuvent dire là-dessus. Je suis en accord avec eux. Mais j'en suis aussi très, très fier d'avoir pu évoluer pour le Canadien de Montréal. T'es pas le premier Québécois qui ferait ça, là. Écoute, puis j'ai déjà posé la question à des auditeurs, à des gens sur les médias sociaux. Si vous seriez joueur autonome, quelle serait votre destination? J'ai déjà posé la question là, des gens, puis des gens, là, la dernière place qu'ils disaient, c'était Montréal. Fait qu'on peut pas en vouloir à des gens... On peut pas en vouloir à des gens là qui des joueurs qui choisissent une autre destination que Montréal. Puis c'était justement une question, j'ai la paix. À Montréal, j'aurais pas la paix. Donc on peut pas en vouloir aux gens. Mais pour moi, c'était pas. Ouais, mais Danny, pour moi, c'était pas le cas. C'était pas d'avoir la paix. Vraiment, moi, quand je regardais les deux équipes, parce qu'il y avait des plus et des contre de chaque côté. Okay. D'évoluer à Montréal ou d'évoluer à Philadelphie. Puis ça s'équivalait pour moi à l'extérieur de la glace. Par contre, quand j'évaluais les deux équipes, ce que les deux équipes avaient en fait joueurs avec qui j'étais pour évoluer, ouais. Écoute, je me retrouvais à Philadelphie à jouer avec Simon Gagné, plutôt que je ne sais pas trop qui là à Montréal à ce moment-là, mais c'était pas de même qualité que ce que les joueurs, ouais. Ce que les Flyers avaient comme alignement. Fait que pour moi, là, c'est ça qui a été la décision finale, ce qui m'a fait pencher vers les Flyers. Ces mêmes joueurs-là, si on aurait renversé la vapeur, puis l'alignement des Flyers avait été à Montréal et vice-versa, j'aurais signé avec le Canadien à ce moment-là. Moi, c'est ça qui a fait pencher la balance. OK. Es-tu déçu que depuis le lancement de ton livre, on parle plus de l'histoire avec Michel Therrien que l'histoire de ton livre en réalité? Tu sais, l'histoire de Michel Therrien, je t'appelle à Philadelphie, tu dois être au courant de ce que les médias parlent, et il y a un petit peu règlement de compte. Es-tu déçu de tout ça? Oui, je suis déçu. Je suis déçu un peu qu'on retienne plus cet aspect-là du livre que d'autres choses. Parce que pour moi, c'est pas un règlement de compte. Moi, j'ai écrit ça parce que je parle de ma relation avec tous mes entraîneurs partout où j'ai passé, que ce soit à Phoenix avec Bobby Francis, à Buffalo avec Lindy Ruff, à Philadelphie avec Peter Laviolette ou de John Stevens, même de Patrick Roy en fin de carrière au Colorado. Donc, j'aurais été malhonnête de pas parler de ce qui s'est passé avec Michel Therrien. J'ai décrit les faits, ce qui s'est passé. J'ai aucune rancune envers Michel Therrien aujourd'hui. C'était pas pour régler des comptes. J'ai juste décrit ce qui s'était passé parce que à la fin de la journée, moi, ce que je retiens, c'est ce que je t'ai conté un peu plus tôt, ce que j'ai vécu comme Québécois d'avoir eu la chance d'endosser cet uniforme-là, de jouer de gros matchs avec le Canadien, de représenter cette équipe-là, de jouer en séries éliminatoires puis de se rendre jusqu'en finale de conférence quand les experts nous donnaient pas la chance de passer la première ronde. Donc ça c'est j'espérais que les gens retiennent plus ça que seulement que ma relation avec Michel Therrien. Mais je comprends aussi que ce qui est important pour les médias au Québec, c'est ce qui frappe et donner un peu de jus. Daniel, juste pour répondre à ta question, en 2007-2008, l'année du Canadien, là, t'avais Alex Kovalev, t'avais Saku Koivu, puis t'avais Christopher Higgins, puis les frères Costin. De gros attaquants là, que t'aurais pu jouer sur le même trio là, donc c'est pas pareil pantoute là. Mm-hmm. Ben quand on compare à des Simon Gagné, Mike Knuble, puis là on avait Jeff Carter, Mike Richards qui ont gagné des coupes Stanley à Los Angeles, c'est pas, puis Claude Giroux qui s'amenait aussi, donc quand j'évaluais ça, j'évaluais que la chance de jouer à Philadelphie m'aiderait justement pour livrer la marchandise d'un gros contrat comme celui-là. OK. Dernière question. Ton meilleur souvenir en carrière? Un de ceux-là, c'est celui que j'ai mentionné plus tôt, le Canadien, gagné Bobby Bruins en match 7. Mais je dois aussi dire que le 2 mois en 2010, du dernier match de la saison régulière quand on a battu les Rangers en fusillade pour faire les séries éliminatoires à partir de ce match-là jusqu'en finale de Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago. On a perdu malheureusement en finale, mais ce deux mois-là de hockey, pour moi, a probablement été le meilleur deux mois de ma carrière, en fait, joueur, où j'étais vraiment au meilleur de ma forme. Donc ça, là, tu sais, quand tu embarques sur la glace à chaque match, puis tu fais face au meilleur, comme le meilleur sur la glace, c'était vraiment un feeling incroyable. Ok. Ben Daniel, ça fut fort intéressant. Je m'excuse encore pour les problèmes. J'ai eu des problèmes techniques un matin. C'est rare que ça arrive. Non, il n'y a pas de problème. Mais je m'excuse encore pour le plaisir de se parler. Puis je vais aller l'acheter. On invite les gens à l'acheter. Je ne sais pas, c'est sûr qu'on est en région ici. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est aux éditions Urtubise et la librairie centrale de Debout Cécile vont l'offrir prochainement. Daniel Brière, un gros oui, merci. Oui, je vous remercie beaucoup. Puis au plaisir de se parler. À bientôt, Danny. Daniel Brière.